Les images ont fait le tour du monde, tous les médias français ne parlent plus que de ça, ou presque depuis hier soir, 19h, l'incendie spectaculaire qui a détruit la toiture, la flèche et une partie de la voûte de la cathédrale Notre-Dame. Maintenant que le feu est éteint, l'heure est aux expertises, mais aussi d'ores et déjà au plan de reconstruction. C'est ici qu'entrent en scène les scientifiques, tant pour aider à comprendre l'origine et la propagation du feu, que pour mettre au service de ces pierres millénaires les toutes dernières technologies d'analyse, de modélisation, de physique des matériaux, pour redonner vie à la cathédrale calcinée. La science au secours de Notre-Dame, c'est le programme rebâtisseur qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Une émission spéciale en lieu et place pour ceux et celles qui suivent, que nous devions consacrer aux deux prix Nobel de physique 2018 de Donna Strickland et Gérard Mourou et à leurs travaux sur les lasers. Une émission que nous retrouverons et que nous reprogrammons évidemment très bientôt. Mais pour parler donc de ce que la science doit aujourd'hui faire, examiner et ce en quoi elle peut nous renseigner sur cet incendie géant hier à la cathédrale Notre-Dame et puis donc au futur et au projet de reconstruction, nous avons de nombreux invités aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Nicolas Reveyron, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de l'art, spécialiste du Moyen-Âge, professeur à l'université Lumière Lon 2 et nous sommes ici en studio à la Maison de Radio à Paris avec Pierre-Antoine Gattier, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte en chef des monuments historiques avec Étienne Faisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes post-doctorant au LABEX EHNE, contributeur à la collection La Grâce d'une cathédrale aux éditions La Nuée Bleue. Et pour commencer, cet extrait du journal de France Culture hier soir à 22h. Il était 18h50 environ lorsque les premières flammes ont commencé à attaquer Notre-Dame de Paris. Un incendie qui a pris une ampleur inouïe au fil des minutes, ravageant la charpente et la toiture de l'édifice sous les yeux du monde entier. Une heure plus tard, la flèche de Notre-Dame tombait dans le brasier. La voix de Stanislas Vazak hier soir à 22h en direct dans le journal de France Culture. Et vous l'avez entendu, cette terminologie, la soudaineté de l'incendie, sa puissance, l'extrême difficulté des pompiers à le maîtriser. C'est une terminologie que l'on retrouve presque mot pour mot à chaque incendie ravageur d'un monument national ancien. Nous avons joint Marie-Yvonne de Saint-Pulgent. Elle était directrice du patrimoine au ministère de la Culture entre 1993 et 1997 et elle a connu deux incendies de la sorte. À gérer deux incendies, l'un dramatique sur le Parlement de Bretagne, dit Parlement de Rennes, et l'autre beaucoup moins grave, mais quand même spectaculaire, sur le palais de Chaillot à Paris. Dans le premier cas, il s'agissait des conséquences d'une manifestation ayant mal tourné, ayant enflammé le toit du Parlement de Bretagne, et dans la seconde, il s'agissait de travaux en cours sur le monument qui ont communiqué le feu aux superstructures, au toit du palais de Chaillot. Donc si ça a moins mal tourné au palais Chaillot, c'est qu'il s'agit d'un bâtiment moderne où on n'avait pas le piège commun à Notre-Dame de Paris et au Parlement de Bretagne, qui sont une charpente en bois très ancien, dense, difficile d'accès, pas fréquentée, enfin pas patrouillée si vous voulez, où il n'y a personne, et où un feu se déclare par quelque chose qui met le feu à une poutre très très épaisse, très dense, et qui couve par un certain temps avant de s'enflammer comme un brasier en se communiquant très très vite à toute une structure, une charpente en bois ancien, donc sec. Et une fois que ce type d'incendie a démarré, on est dans un système presque feu de forêt avec le feu qui saute d'un endroit à l'autre, la chaleur qui s'accumule et qui favorise le développement de l'incendie. Et dans le cas de Notre-Dame de Paris, en plus, un édifice extrêmement haut, en croix, c'est-à-dire l'incendie est parti dans la partie la plus haute, donc très difficile d'accès pour les lances des pompiers, même s'ils ont finalement réussi à circonscrire le feu, et puis avec une difficulté d'accès tenant à l'énormité du monument, à sa disposition en croix, et au fait qu'il fallait des pompiers partout. Alors ils ont travaillé à l'intérieur, à l'extérieur, et surtout ils ont essayé d'empêcher que le feu se communique aux grandes superstructures de pierre qui tiennent le bâtiment. Voilà. Mais on a perdu la charpente et ça, une fois que ça a démarré, arrêter un feu dans une charpente de ce type, c'est impossible. On la perd. C'est ce qui s'est passé ailleurs. comment voulez-vous arrêter ça? Alors j'ai entendu des choses, il fallait mettre des coupe-feu, mais on fait pas ça sur une, évidemment c'est pas possible, sur une charpente du 13e, 14e, même 19e siècle, enfin c'est patrimonialement impossible, c'est des endroits où on circule mal. Parlement de Bretagne, les combles qui ont on a démarré l'incendie, étaient carrément impossibles à visiter, et les combles, on ne peut pas aller, là c'était, on pouvait aller dans la charpente, mais le temps qu'on voit ce qui se passait, les premiers sauveteurs, les premiers pompiers sont montés dans le comble, ils ont pu y accéder, mais l'incendie était déjà développé de telle façon qu'ils ont dû partir pour se mettre en sécurité, et mettre en sécurité tous les autres. Hein. Ensuite, il faut savoir depuis quand cet incendie couvait, parce que on sait que on a dit ça a démarré 18h50, mais en fait non, il y a eu des alarmes avant, et simplement on ne voit pas forcément à quoi ça correspond. Quand l'élément déclenchant est arrivé, ça on le saura après analyse de toutes les données qu'on peut avoir sur la façon dont ça s'est passé. Ouais, une enquête a été ouverte hein, pour destruction involontaire par incendie. Pierre-Antoine Gatier, vous avez passé la nuit sur place, vous avez vu cet incendie de vos yeux. Qu'est-ce que vous pouvez en dire et une réaction à ce que vous venez d'entendre de la déclaration de Marie-Vonne de Saint-Pulgent? La question du matériau, de la matérialité est fondamentale dans ce type de drame. Le pouvoir calorifique, le monde médiéval se saisit de la pierre de taille, saisie de la charpente, de l'ouvrage en bois, de la couverture en plomb. Les structures de maçonnerie offrent une durabilité. La charpente, qui permet de faire ces grands combles, qui sont les manifestes de cette architecture, se révèle être des lieux dangereux. La nuit, pour tous les Parisiens, a été terrible. Très nombreux sont ceux qui se sont mobilisés. Et voilà, je reste sans voix de cette expérience. Étienne Faisan ? Oui, effectivement, à la suite de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, il faudrait rappeler que cet incendie, si dramatique qu'il est et qui nous touche particulièrement, s'inscrit néanmoins dans une suite qui malheureusement est ininterrompue et se poursuit d'année en année, où, un peu par la faute des temps malheureusement, mais on voit un certain nombre d'édifices majeurs disparaître ou être amoindris, être touchés. Et bien sûr, puisqu'on parle de la cathédrale de Paris, on ne peut pas ne pas rappeler la cathédrale de Nantes qui est partie en partie en fumée en 1972, avec à nouveau un incendie dans la charpente alors qu'on travaillait à la couverture. Le château de Lunéville également, donc on peut évidemment évoquer, grand château de Lorraine. Donc il faut évidemment rappeler que ce sont des choses qui arrivent malheureusement, sur lesquelles il faut lutter, il faut essayer évidemment d'empêcher, mais que la cathédrale de Paris n'est pas isolée dans ce contexte. Nicolas Reveron, une réaction également à ces propos de Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Oui, une réaction d'archéologue, je dirais, puisque c'est aussi l'approche que j'ai de l'architecture. C'est d'abord un drame humain. J'ai reçu tout de suite deux messages de mes collègues japonais qui étaient effrayés par ce qui est arrivé, notamment un très bon spécialiste qui a travaillé sur Notre-Dame. Ensuite, une remarque sur, comme a dit notre collègue, la fragilité de ces édifices. Les incendies sont constants, nous avons un nombre considérable de textes racontant les incendies qui sont interprétés évidemment comme une punition divine ou bien l'activité du malin. Je pense à l'incendie de Saint-Benoît-sur-Loire au XIe siècle où tous les moines ont vu courir sur le toit un ours qui était associé aux flammes. Donc vous voyez, on est en pleine légende. Mais en même temps, l'occasion, il faut le voir aussi de cette manière, l'occasion à la fois d'une étude, c'est cruel à dire, mais c'est une réalité, et l'occasion d'un renouveau. La restauration qui est prévue de la cathédrale est d'abord une communion de tous les Français, je dirais même de toutes les nations autour d'un monument phare, et c'est aussi l'occasion d'apporter une touche du 21e siècle, de ce début du 21e siècle, sur un édifice qui remonte au 12e, 13e siècle. Il y a là une très belle image. Et on reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, justement de ces projets de restauration et de ce que la science du 21e siècle peut apporter à un édifice du 12e ou du 13e siècle. Mais avant, j'aimerais que nous consacrions quelques minutes dans ce début d'émission à comprendre les mécaniques de ce type de feu sur des bâtiments anciens avec des charpentes en bois. Vous les avez évoquées, Étienne Faisan, à l'instant. Rappelle que tout ça se passe dans une continuité. Effectivement, plusieurs incendies du même type, alors avec 100 évidemment présagé de ce qu'est le départ de feu exactement. Il y a une enquête, je l'ai dit, qui est en cours, donc on saura exactement d'où cela vient. Mais pour comprendre les mécaniques, finalement, physiques de ces feux, nous sommes en ligne avec Anthony Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire énergie et mécanique théorique appliquée à l'unité CNRS Université de Lorraine. Que peut-on dire au lendemain de l'incendie sur ce qui s'est passé hier, sur la mécanique de cet incendie qui a semblé effectivement être désarmé très rapidement, comme le disait Marie-Vonne de Saint-Pulgent, les forces des sapeurs-pompiers qui avaient du mal à intervenir pour empêcher l'intégralité, ou en tout cas les deux tiers de cette toiture et de cette charpente de s'effondrer, d'être détruite. C'est un incendie complètement incroyable. Ce n'est pas simplement un incendie de bâtiment, puisque j'ai cru comprendre en fait que Notre-Dame possédait quasiment 200 tonnes de bois au niveau de sa charpente. Et donc cette quantité de combustible-là a été largement utilisée par l'incendie pour se développer et se maintenir. Et avec les images qu'on a pu voir, en fait, de flammes qui sont immenses, de plusieurs mètres de haut, bien, vous avez des notions de transfert de chaleur qui sont très très importantes, qui ont permis à l'incendie justement de se développer très très rapidement. Alors, on parle souvent, et on va faire le lien tout à l'heure, Étienne Faisant en parlait, avec l'incendie de la cathédrale de Nantes, Saint-Pierre et Saint-Paul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le départ de feu, il n'y a pas nécessairement besoin qu'il y ait un contact direct entre une flamme et un combustible. Ça peut se faire par transfert de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, au départ, quand vous avez un matériau combustible, pour qu'il puisse s'enflammer, il va falloir qu'il s'élève tout doucement, il faut qu'il s'élève en température, de façon à ce que les molécules assez grosses, assez grandes, puissent être, entre guillemets, cisaillées par cette chaleur-là. Et donc, ces petites molécules, en fait, que vous allez retrouver, qui sont des gaz inflammables, vont se retrouver dans l'air. Et si ces molécules-là rencontrent de l'oxygène, ce qui était le cas hier, parce que les volumes de Notre-Dame sont très conséquents, ça comporte énormément d'air, et puis ensuite, une fois que la toiture avait percé, eh bien, il y a une quantité d'air formidable qui a pu être apportée. Eh bien, une fois que ces gaz inflammables ont rencontré de l'oxygène et ensuite qui ont été élevés à une certaine température, qui est la température d'auto-inflammation, eh bien, la flamme a pu se développer. Et à partir de là, le cercle un peu vicieux du triangle du feu a pu s'établir pour propager finalement l'incendie. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une mécanique de pyrolyse, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de d'échauffement intérieur du combustible jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait un comburant qui fasse une sorte, on appelle ça, je crois, un flashover, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout s'enflamme extrêmement vite, c'est cela ? Alors, le phénomène de pyrolyse permet de passer d'un matériau solide, type du combustible comme une poutre en bois, à un matériau gazeux. Qui sont des gaz inflammables. Voilà, cette mécanique de pyrolyse, en fait, ça permet de traduire le passage d'un matériau à l'état solide à un état gazeux. Voilà. Ensuite, ce qu'on appelle le flashover, c'est que quand vous avez des conditions thermiques qui sont très très violentes et très sévères, eh bien, les fumées qui sont contenues finalement, qui sont produites par cet incendie ou bien la flamme, envoie une quantité de chaleur très importante sur l'ensemble des matériaux combustibles qui seraient présents au sein d'une pièce ou de la toiture, et que d'un seul coup, du fait que ces matériaux-là sont à une température très importante, ils libèrent tous de manière assez conséquente des gaz inflammables, et ces gaz inflammables-là, une fois qu'ils sont suffisamment chauds, vont immédiatement s'embraser, et vous avez possibilité qu'une grosse enveloppe gazeuse s'embrase assez rapidement, et c'est ce qu'on va appeler le flashover. Alors, Marie-Yvonne de Saint-Pulgent a parlé tout à l'heure de l'incendie du Parlement de Bretagne. Celui, tout à l'heure, Étienne Faisant parlait de celui d'une autre cathédrale et qui est effectivement assez similaire. C'est celle de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes en 1972. Écoutez cette archive. Oui, l'incendie s'est déclaré aux environs de 16h30. Il est probable que c'est un court-circuit qui est à l'origine et le feu s'est ensuite propagé avec une rare violence. Peu après, la toiture était totalement embrasée et toutes les casernes de pompiers qui sont arrivées d'urgence sur place ne sont pas encore parvenues à le maîtriser. De part et d'autre, des débris tombent. L'une des deux échelles de pompiers présentes sur les lieux a été sérieusement endommagée. La lutte contre le feu est très difficile car les toits de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul sont très hauts et il y règne une chaleur intense. Quant aux dégâts, eh bien, ils sont considérables et cela avant même que le feu soit éteint. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs l'architecte des monuments historiques de Loire-Atlantique à Dominique Brocard. La charpente a brûlé en totalité. Naturellement, la couverture n'en existe plus. Les voûtes sont mouillées relativement car le service d'incendie, les pompiers sont intervenus avec, ils ont fait très attention, ils ont mis à peine d'eau, de l'eau pulvérisée plutôt, pour ne pas trop mouiller les voûtes, n'est-ce pas, et éteindre malgré tout pour éviter que les charpentes basculent. Et sur le poids des grosses pièces de bois, on aurait pu avoir l'effondrement des voûtes. Alors, le problème, c'est qu'il y a des pierres qui tombent quand même à l'intérieur, spécialement à l'endroit des transepts, et il y a des joints. Les joints se décollent. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on peut dire. On est en train de bâcher l'orgue, n'est-ce pas, qui vient d'être fait. Mais c'est tout pour l'instant. Quelques précisions sur la cathédrale elle-même. C'est une cathédrale très ancienne, elle date du début du XVe siècle. Ses voûtes sont plus hautes que celles de Notre-Dame de Paris. C'est un chef-d'œuvre d'architecture, tous les piliers ainsi que les voûtes sont finement sculptés. Dans le trésor de la cathédrale, il y a notamment le cœur d'Anne de Bretagne. Voilà, on entend bien aujourd'hui les similitudes entre ce qui s'est produit à Notre-Dame pendant ce chantier de réhabilitation, de restauration, et ce qui s'est passé en 1972 à la cathédrale de Nantes. Anthony Collin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour initier un phénomène de pyrolyse, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire qu'il y ait immédiatement une flamme en contact, une étincelle d'un seul coup qui embrase une poutre ou une charpente qui serait du bois très ancien et très sec. C'est vraiment un échauffement progressif qui, à un moment donné, va entraîner cette réaction en chaîne. Exactement, c'est juste une notion de d'élévation de température. Il faut juste apporter au matériau combustible une source de chaleur. Alors ça peut être un défaut électrique, par exemple des étincelles un peu en continu qui vont échauffer localement le combustible. Ça peut être très bien être l'effet loupe, par exemple avec du soleil. On peut, au travers de petites expériences avec une loupe, embraser un peu d'herbe sèche, par exemple. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une flamme pour démarrer un incendie, juste une source chaude. On entend le commentateur dire dans cet archive que les voûtes n'ont pas été trop mouillées pour éviter que le poids de la charpente détrempée ne fasse s'effondrer la voûte. On sait que hier, c'est une stratégie différente qui a été choisie par les pompiers de Paris. Lutter contre un incendie comme ça qui se propage après un effet flashover que vous décriviez, c'est très compliqué pour les pompiers. L'utilisation de l'eau doit être utilisée finalement pour diminuer la température des éléments qui sont encore brisants, si vous voulez, de façon à limiter la production de ces gaz imbrûlés. Par contre, les enjeux qu'il y a eu hier, c'est que au-delà du désastre qui a été commis finalement par le feu, si l'eau est utilisée en trop grande quantité, vous pouvez aussi avoir après les conséquences des eaux de ruissellement qui peuvent aussi provoquer des dégâts. Donc là, je pense où les enjeux des pompiers de Paris ont été très bien maîtrisés hier, c'est qu'ils ont certainement trouvé un compromis en fait entre utiliser l'eau pour éteindre le foyer, puisqu'il est quand même éteint en une douzaine d'heures, et de l'autre côté, de limiter finalement les dégâts provoqués par les eaux de ruissellement qui ne seraient pas rentrées en contact finalement directement avec l'incendie. Merci beaucoup Anthony Collin pour ces précisions sur ce type de mécanique d'incendie. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire énergie et mécanique théorique et appliquée. C'est une unité CRS et Université de Lorraine. J'aimerais un peu vos réactions à tout. C'est à la fois à l'archive, à la similitude et puis finalement à ces choix. Vous évoquiez tout à l'heure, Étienne Faisan, peut-être le danger aujourd'hui que fait peser le bois mouillé, le bois calciné sur la structure des voûtes. Il y a encore beaucoup d'expertise à faire dans ce domaine-là. Effectivement. Alors, il est aujourd'hui difficile de parler parce que on aimerait savoir exactement dans quel état est la cathédrale, mais d'après ce qu'on voit, l'ensemble des voûtes à peu près a tenu. Il y a des voûtins qui sont tombés, mais les ogives dans l'ensemble ont l'air en place et donc pour l'instant stabilisent encore l'ensemble de la structure. Mais il est évident que, au moindre incident supplémentaire, tout peut encore bouger et qu'on n'est pas forcément à l'abri de nouveaux problèmes. Et donc il faut espérer et que la situation se stabilise et qu'on parvienne très vite à maintenir en l'état l'édifice qui nous reste. Pierre-Antoine Gattier, vous y étiez effectivement. On entendait dire ce matin qu'il y avait encore des incertitudes sur la structure du bâtiment, sur la structure des voûtes. On a vu les premières images. On sait qu'il y a quand même effectivement avec la chute de la flèche des trous importants dans la voûte centrale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que Notre-Dame est stabilisée ou est-ce que c'est encore un édifice dangereux et que la situation peut continuer à évoluer? Cela nécessite réflexion, étude, analyse. Notre-Dame est une structure savante, exceptionnelle, une forme d'aboutissement au XIIe siècle sur la question de l'équilibre des poussées. Et on comprend bien que cet équilibre est obtenu par la structure globale. La voûte sexpartite, les murs goutreaux, les structures de contrebutement, voilà, c'est un ensemble. Et sans doute également mise en charge par le poids des charpentes. Donc aujourd'hui, il manque un élément de cet équilibre global et la structure elle-même de maçonnerie a été atteinte. Des voûtins sont touchés, des voûtes sont désorganisées avec la violence du choc de la chute de la nef et sans doute des éléments des plus grandes sections des charpentes. Voilà. prudence commence aujourd'hui en fait un moment délicat en fait d'évaluation de l'état de stabilité de cet ensemble. Et on va essayer de comprendre justement quel est et en quoi consiste ce travail d'évaluation. Nicolas Reveyron, également peut-être votre réaction est à l'origine et à la source de ces incendies et du travail d'expertise qu'il reste encore aujourd'hui à faire. Je verrais plutôt une analyse pour reprendre ce que mon collègue a dit récemment à propos de la stabilité de l'édifice. Effectivement, la charpente et la construction en pierre fonctionnent ensemble, tout est mis en place ensemble, et c'est au décintrement, c'est-à-dire quand on enlève les cintres qui soutenaient les arcs en construction, que tout résiste ou au contraire s'effondre. Nous avons des cas d'effondrement d'édifices en cours de construction qui permettent de l'attester. En revanche, ce qui est très impressionnant lorsqu'on étudie de près ces édifices gothiques, c'est vrai pour l'architecture gothique et non pour l'architecture romane, les catastrophes ont été prévues par les constructeurs. C'est le cas, par exemple, pour les arcs-boutants à double volet. Vous avez des arcs-boutants qui vont contenir les poussées au niveau, disons, pour faire simple, des chapiteaux, des reins des voûtes. Mais vous avez aussi un autre arc supérieur qui vient contrebuter le sommet du mur. Or, le sommet du mur, en soi, ne reçoit qu'une très faible poussée. En revanche, effectivement, comme l'ont montré les études américaines sur le sujet, les poussées qui sont exercées par une charpente en feu sont des poussées absolument colossales, puisque les entrées ayant brûlé, les deux pentes de la toiture s'affaissent, et en s'affaissant, elles poussent les murs. Ce qui veut dire que le contrebutement de l'édifice est prévu par les constructeurs dès le XIIIe siècle, c'est surtout les arcs-boutants du XIIIe qui sont concernés ici. Lorsque un incendie peut surgir, il sera contenu. Et de la même manière, c'est une chose très impressionnante qui a été bien démontrée par Arnaud Timbert, professeur à Amiens, à propos de la cathédrale de Chartres ou bien de la cathédrale de Noyon, par exemple, c'est qu'on a prévu au niveau des voûtins, à l'extrado, c'est-à-dire dans les combles, on a prévu des évacuations d'eau. Des évacuations d'eau qui sont là au moment de la mise en place de la charpente, avant qu'on ait mis l'édifice complètement hors d'eau, mais qui peuvent effectivement de nouveau jouer lorsque un incendie vient détruire cette charpente. Il faut, avant de reconstruire la charpente, un certain temps d'attente, et l'édifice est relativement protégé par ces évacuations. Pierre-Antoine Gatier, effectivement, il y avait dès la construction l'idée, la prévision de rendre ces édifices suffisamment solides, suffisamment robustes, en tout cas sur leur fondation et dans la structure de leurs voûtes et de leurs murs, pour résister à ce type d'événements extrêmes. Alors, sans doute, notre ami vient de le rappeler, les accidents étaient nombreux, et puis la question de la durée du chantier, je pense, était un enjeu majeur. A été très étudié la relation entre les financements, les disponibilités de matériaux, les capacités à construire, et ces chantiers étaient rarement, je dirais, globaux, terminés, tels qu'on l'imagine aujourd'hui. On sait dans l'imaginaire collectif cette idée que la cathédrale était un chantier infini. Que veut dire un chantier infini? C'est que finalement, il n'y avait jamais de partie terminée. Et donc la qualité de ces constructions, la maçonnerie, le bois, les recherches les plus récentes ont montré également le métal, ce sont vraiment des structures mixtes à partir du XIIIe siècle. XIIe siècle, maçonnerie en pierre, tirant en bois. XIIIe siècle, maçonnerie en pierre, tirant métallique. Voilà donc des constructions très intelligente, en fait, qui intègre l'idée que le chantier pourra être interrompu. Et c'est peut-être, en fait, ce qui explique en partie que incendie, la flèche a basculé, l'édifice, notre belle Notre-Dame de Paris est toujours là. On rappelle, hein, deux siècles de construction, 1163-1345. Étienne Faisan sur ce sujet. Oui, effectivement, il faut insister sur ce temps long de l'architecture. Mmh. Et rappeler, on ne l'a pas encore fait, vous l'avez juste évoqué à l'instant, que justement que Notre-Dame de Paris n'est pas terminée au XIVe siècle, mais qu'on a continué à travailler dessus bien sûr par la suite, et notamment la grande campagne de Viollet-le-Duc au milieu du XIXe siècle, qui a vu l'ajout de la grande flèche que nous avons tous connue jusqu'à hier, et qui justement s'ajoute au problème qu'on a évoqué jusqu'à présent, puisque non seulement donc la charpente est tombée, la charpente qui a été renforcée pour tenir cette flèche, mais la flèche elle-même est tombée. Et évidemment, cette masse énorme ajoutée par Viollet-le-Duc en tombant a forcément déstabilisé, ou on l'espère le moins possible, mais a forcément touché l'édifice lui-même en plus de la charpente. Ce que j'aimerais bien comprendre, Nicolas Reveyron, aujourd'hui, ce sont les travaux qui vont être nécessaires pour comprendre, pour confirmer la stabilité dans l'état actuel, c'est-à-dire avant de mener n'importe quel début de pensée de travaux de restauration, aujourd'hui, et des voûtes qui sont encore en place, et éventuellement des tirants, des murs, aujourd'hui, est-ce que on peut imaginer de voir dans un jour, deux semaines, un mois, trois mois, voir une partie de Notre-Dame s'effondrer ? Oh, je ne pense pas qu'on puisse avoir un effondrement, les photos que j'ai vues... Même partielle, hein. Enfin, c'était d'une question très neutre. Oui, oui, mais c'est vrai que je n'étais pas sur place et je ne suis pas architecte non plus, donc j'aurais plus de difficultés à vous répondre. En revanche, il y a une chose certaine, c'est qu'il faut bien faire la différenciation entre l'état initial de l'édifice, qui est un état, si j'ose dire, sec, et l'état après l'incendie, lorsque les pompiers ont arrosé l'édifice. Il y a une surcharge en eau qui est absolument colossale, qu'on n'imagine pas. Vous savez, c'est des ordres de grandeur qui nous échappent en tant que spectateurs, puisque nous voyons les choses de loin. C'est une question de phénoménologie, de la perception, hein, tout simplement. Et l'édifice lui-même va être chargé à la fois dans la pierre, c'est quand même un grès, c'est un calcaire qui est quand même relativement poreux, donc qui peut accumuler l'eau, et dans les joints, c'est surtout les joints qui s'imbibent d'eau et qui évidemment se détériorent d'autant plus facilement. Il y a eu visiblement des écroulements de voûtes, c'est ce qu'on a vu sur les photographies, ce qui est très impressionnant, tout le moins des écroulements de voûtes, hein, comme disait notre collègue tout à l'heure, les ogives ont résisté. Nous sommes dans un cas de figure qui ne nous est pas complètement inconnu, puisque la guerre de 14, vous le savez, a fourni un certain nombre d'exemples d'églises en partie détruites, que ce soit Reims, Soissons ou autres, pour lesquelles on a pu étudier les modalités de destruction. Et c'est vrai que, de manière très étonnante, les bombardements des grandes cathédrales du Nord ont donné lieu à des destructions très partielles sur des voûtins, ou au contraire sur des ogives, les voûtins restant en place, etc. Donc les cas de figure sont très divers en fonction des modes de construction. Ce qui est certain, c'est qu'à Notre-Dame de Paris, nous sommes dans cette phase de la construction 13e où on peut aller très loin dans l'amincissement des voûtes. Et vous avez affaire à des édifices qui peuvent avoir des voûtes, des voûtins d'une minceur de 20-25 cm, c'est très peu. À la cathédrale de Lyon, par exemple, j'ai vérifié des épaisseurs de 70-75 cm, c'est absolument colossal. Donc les voûtes ne sont véritablement plus qu'une couverture, donc d'autant plus fragile. Alors est-ce que l'affaiblissement des mortiers, la surcharge en eau de toute la maçonnerie peut amener des destructions? C'est possible, ce qui serait évidemment assez dramatique, dans la mesure où si les voûtes s'effondraient, les arcs-boutants qui compressent les voûtes n'auraient plus rien à compresser, et donc pourraient menacer la stabilité des murs. Mais je ne pense pas, d'après les photos que j'ai vues, que nous en soyons là. Pierre-Antoine Gatier, vous qui étiez hier soir, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des dégâts du feu. Il faut mentionner les dégâts des quantités gigantesques d'eau qui ont été déversées pour tenter et pour réussir à contenir cet incendie. Non, mais le travail des pompiers qu'il faut saluer a permis en fait d'arrêter le feu. Vous avez tous entendu ces mots extrêmement inquiets sur la stabilité de la tour nord. Voilà, donc il fallait éteindre. C'est ainsi, c'est fait, et c'est en soi un soulagement. Alors aujourd'hui s'engage un travail de mobilisation, d'un grand dynamisme, le ministère de la Culture et la Direction Générale des Patrimoines, les monuments historiques. Voilà, il faut stabiliser, consolider. Et donc c'est un grand chantier d'étaiement. Des ouvrages sont fragilisés, il faut étayer les arcs, étayer les nervures, stabiliser, permettre, voilà, que cet édifice qui a souffert, qui a été éteint, soit stabilisé et reste debout. Personne ne critique par ailleurs le travail des pompiers qui ont fait un travail formidable tout au long de la nuit pendant ces 12 heures pour maîtriser cet incendie. Mais effectivement, de facto, la quantité d'eau déversée est aussi aujourd'hui l'un des périls qui menace Notre-Dame et avec lequel il va falloir composer pour envisager précisément sa rénovation, sa restauration et sa reconstruction. Étienne Faisan. Tout à fait. Alors, je voudrais à mon tour évidemment m'associer... En remerciement que nous ne serions jamais assez prodigués aux pompiers qui, au péril de leur vie, ont sauvé ce qui pouvait l'être. Mais je voudrais ajouter également, on parlait de risques généraux, de destruction, de choses qui nous tombent sous les yeux encore, et également du problème de l'eau, et que sur ces deux aspects, il faut souligner que non seulement on a l'édifice lui-même, dont on a parlé à plusieurs reprises, mais que Notre-Dame de Paris, ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est un ensemble avec dedans des œuvres d'une importance considérable, et que évidemment là également, pour l'eau, nous avons un problème majeur. Et pour revenir sur les effondrements, j'ai vu tout à l'heure une photographie de la rose nord de la cathédrale, qui est vitrée, qui intègre des éléments de vitraux anciens, médiévaux, d'autres évidemment plus récents. Mais pour l'instant, elle est encore à peu près intacte, la voit-on sur la photographie, mais la flèche est tombée juste à côté. Il est à craindre évidemment que les verres aient souffert et qu'ils soient fissurés ou qu'il y ait en tout cas des éléments largement fragilisés. Et si on a une tempête ou des vents forts dans la mauvaise direction dans les jours qui viennent avant qu'on ait pu soutenir, il n'est pas impossible évidemment que là encore on ait des dégâts importants qui surviennent, à notre grand regret évidemment. Voilà quelques notes de l'orgue, du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame que nous souhaitions vous faire entendre pour cette émission spéciale. Il s'agit de la cantate BWV 29 en ré majeur de Bach interprétée par Olivier Latry. Alors cet orgue dont la situation est encore relativement incertaine, on pense qu'il a été endommagé pas tant par les flammes que plus, je parle sous votre contrôle Pierre-Antoine Gatier, puisque vous y étiez, vraisemblablement plus par l'eau et par les ruissellements. Non mais c'est surtout ce que je voulais vous dire, c'est quel bien cela fait d'entendre maintenant cet orgue, voilà, au milieu de nos échanges. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le premier moment de réconfort, entendre cet orgue. Voilà, je crois que notre engagement aujourd'hui, c'est de vouloir pouvoir l'écouter à nouveau, nous fait ressentir ce volume, l'ampleur de cette architecture. Voilà, nous voulons entendre à nouveau l'orgue de Notre-Dame. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette deuxième partie d'émission. Que faire maintenant, le jour d'après, la semaine, le mois, les années d'après? Comment envisager ces travaux de restauration, reconstruction? De quoi faut-il parler d'ailleurs? Donc nous en parlons avec Nicolas Reveyron, qui est avec nous en ligne, qui est historien de l'art, spécialiste du Moyen-Âge, professeur à l'université Lumière Lyon 2, avec Pierre-Antoine Gattier, qui est architecte en chef des monuments historiques, avec Étienne Faisan, qui est postdoctorant au LABEX EHNE. Et alors, du coup, de quoi faut-il parler, Nicolas Reveyron, maintenant? Peut-être avant de parler de reconstruction ou de restauration, quelle est la première étape? C'est une étape, donc on l'a dit, d'expertise, peut-être aussi de consolidation, de soutènement. Quels sont les premiers moyens qui vont être mis en œuvre pour pouvoir repartir sur un projet de restauration ou de reconstruction? On définira le terme le plus adéquat avec vous, si vous le voulez bien. Bon, je crois que la première chose à faire, pour faire chorus avec mes collègues, c'est de remercier les pompiers qui ont fait un travail absolument énorme, colossal, et qui ont, en mettant leur vie en danger, parce que je crois qu'on ne se rend pas compte quand on voit les choses de loin, et qui ont vraiment communié avec toute la nation au sauvetage de la cathédrale. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est effectivement la vérification de la stabilité de toutes les parties qui ont été atteintes. Stabilité des voûtes, ça c'est un impératif, que c'est la première chose qui menace de s'écrouler, et il faut savoir exactement ce que l'incendie a pu occasionner comme dégâts au niveau de l'extrado, c'est-à-dire dans les combles. Mais il est impératif de vérifier aussi la tenue de toutes les maçonneries en pierre. L'eau a percolé à travers ces maçonneries. Qu'est-ce qu'il en est de ce calcaire qui peut être fragilisé à la fois par l'eau et par la chaleur dans les parties hautes? C'est la réaction à la fois mécanique et aussi chimique du calcaire à cet événement. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut mesurer qu'en examinant de très près toutes les maçonneries. Pour ce qui est de la stabilité même de l'édifice, je ne pense pas que le sol ait pu être beaucoup touché. Bon, l'île de la Cité est quand même stable depuis maintenant très longtemps. Il n'y a pas nécessairement d'infiltration d'eau, même si l'édifice a été très arrosé. Et dans ces conditions, cet aspect-là de la construction, me semble-t-il, est relativement bien conservé. En revanche, il y a une chose que l'on mesure mal et qui est bien caractérisée à la cathédrale de Paris, c'est le mélange entre les qualités de pierre introduites au XIXe siècle dans les restaurations, qui ont été très importantes. On parlait de Dieu-le-Duc, il n'a pas été le seul, mais nos restaurateurs du XIXe ont fait un travail absolument colossal, et les qualités de pierre d'origine. Le gros problème qui se pose lorsqu'on restaure un édifice, c'est qu'on choisit des pierres qui sont accessibles à l'époque de la restauration, au XIXe siècle, par exemple, lorsqu'une une extraction médiévale a disparu, ou alors si elle est condamnée par la présence de bâtiments, on est obligé de faire appel à d'autres pierres. Et le mariage de ces pierres ne va jamais de soi. Si vous utilisez une pierre trop dure par rapport à un calcaire trop tendre, le calcaire d'origine va s'user par rapport à une qualité plus dure, ou bien, c'est un tout autre aspect de la question, les échanges chimiques entre les différentes pierres peuvent introduire des dégâts qui sont absolument colossaux. Donc, quelles sont les différentes réactions de ces différents types de calcaire? Voilà une des questions qui est posée par l'incendie. Pierre-Antoine Gattier, sur cette expertise justement aujourd'hui de ces différentes étapes, et puis on va parler des étapes à venir également de cette reconstruction et de cet assemblage finalement qu'est la cathédrale Notre-Dame. Alors, première étape, elle est technique, symbolique, fermer l'édifice, définir en fait un enclos de sécurité. Je pense que c'est une décision qui est une évidence, mais voilà, ce lieu qui était destiné à tous est aujourd'hui fermé et sera réservé pour un temps aux spécialistes. Pour ceux qui prennent la ligne 4, les stations Châtelet, les stations Saint-Michel, Cité, sont fermées. Voilà, symboliquement, on comprend, nous ne pouvons plus tous accéder à la cathédrale. Et c'est le moment de l'expertise. Expertise, quels sont les ouvrages qui sont en équilibre précaire? Reconnaissance visuelle, vous portez la science, reconnaissance avec les nouveaux moyens d'observation, qui sont les drones. Oui. Les drones. Mm-hmm. Je pense que nos anciens ne disposaient pas de ces technologies. Accéder à des points hauts, autrefois difficiles, périlleux, impossibles. Voilà, ce moment du chantier va bénéficier de ces nouvelles technologies d'observation, de mesurage, mesurage de déformation par des mesures laser. Voilà, cette phase de reconnaissance est engagée. Et elle aboutit à un premier chantier urgent, savant, technique de stabilisation. Mise sur cintre, frettage, pose de tirant, voilà, maintenir cet édifice qui est incomplet aujourd'hui. Étienne Faisan. Oui, effectivement, nous avons la chance de bénéficier aujourd'hui d'outils nettement plus performants et il est assez souhaitable. Et évident, je pense que des relevés extrêmement précis, notamment avec les technologies nouvelles, vont nous permettre non seulement de préparer la suite des événements, mais aussi, je suis presque confus de le signaler face à la situation, mais aussi, accessoirement, apporteront sans doute aussi des éléments nouveaux sur la cathédrale, sur son histoire, sur... sa construction même au fur et à mesure des siècles. On sait que chaque relevé permet de découvrir des nouvelles ruptures, des nouveaux éléments supplémentaires. Et encore une fois, j'ai un peu honte, mais à toute chose, malheur est bon. Et on peut sans doute avoir du neuf bientôt sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors c'est vrai qu'on pense, ou en tout cas dans l'esprit du grand public, que la cathédrale Notre-Dame, c'est la cathédrale de Notre-Dame, qu'elle a été de tout temps dans l'état dans lequel nous la connaissons, aujourd'hui. Or c'est loin d'être le cas. Nicolas Reveyron l'évoquait tout à l'heure, il y a eu plusieurs ajouts, plusieurs constructions, plusieurs destructions aussi, une première flèche initiale qui a été détruite, puis une flèche plus grande ajoutée par Viollet-le-Duc au 19e siècle. Et c'est intéressant parce que ces travaux de Viollet-le-Duc, notamment sur les différences de matériaux qu'évoquait Nicolas Reveyron à l'instant, et puis sur une certaine liberté artistique, architectural, ont suscité longtemps de nombreuses controverses, et des controverses séculaires, dirais-je, puisque on a retrouvé une archive de 1979. Vous allez entendre un historien de l'art, Yvan Christ, qui évoque assez frontalement l'affront des travaux de Viollet-le-Duc à l'architecture originelle de la cathédrale. À Notre-Dame, avant de commencer les travaux, Viollet-le-Duc, avec son ami Lassus, a fait une déclaration tout à fait remarquable. Je vais vous la citer, mais exactement. Il avait dit, nous pensons que chaque partie ajoutée, à quelque époque que ce soit, doit en principe être conservée, consolidée et restaurée dans le style qui lui est propre, ils ajoutaient, et cela avec une religieuse discrétion, avec une abnégation complète de toute opinion personnelle. C'est une phrase admirable. Si véritablement Viollet-le-Duc avait suivi une telle déclaration, bien personne aujourd'hui personne ne le critiquerait, personne ne l'attaquerait, moi encore moins. Et vous pensez qu'il a fait le contraire? Il a fait exactement le contraire. Au nom du scientisme de son siècle, au nom de son scientisme propre, de son archéologisme, si je puis dire, il a refait, ajouté, il a surtout à la croisée du transept, à l'entrée de la nef, à l'entrée du chœur et du transept, il a reconstitué les ouvertures, les petits oculis qui existaient au XIIe siècle et qui avaient été supprimés 100 ans plus tard. Donc, il a voulu reconstituer un état qui n'existait plus déjà depuis le Moyen-Âge. C'est une erreur totale, c'est une erreur absolue. À l'extérieur, il a surchargé tous les arcs-boutants, toutes les culées des arcs-boutants, tous les contreforts des arcs-boutants de petits édicules. Avait-il existé? On n'en sait absolument rien. Voilà, le scientisme et l'archéologisme de Viollet-le-Duc, une réaction à Pierre-Antoine Gatier? Non, ces phrases et ce témoignage est très, très étonnant, mais finalement nous rappelle qu'il nous a fallu du temps pour accepter le 19e siècle. Plutôt que d'essayer de faire une lecture critique du travail de Viollet-le-Duc, je crois qu'aujourd'hui, la grande avancée, c'est que nous acceptons l'histoire dans le temps long. Nous ne nous enfermons pas dans une période, dans le XIIe, dans le XIIIe siècle. Voilà, nous vivons cette cathédrale comme étant une histoire globale, complète, qui va de ses temps fondateurs jusqu'à sa grande réinvention du XIXe siècle. Et peut-être que cette grande mobilisation auquel nous assistons aujourd'hui, elle a été un peu suscitée par le rêve du XIXe siècle de la cathédrale de la nation. Cette grande flèche, voilà, elle est le symbole, voilà, du centre de notre pays. Donc nous aimons aujourd'hui toute l'histoire, nous aimons le XIXe siècle et nous aimons cette cathédrale qui a été réinventée. Mais je voudrais tout de suite dire une chose. Tout le monde est bouleversé. La cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Beauvais auraient été touchées. Tout le monde aussi aurait été bouleversé. C'est compliqué. Nicolas Reveyron. Oui, je crois qu'on a trop surchargé la barque de Jurel Duc. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'il soit plus discret, qu'il évite des restaurations trop violentes. Parfois, il a été contraint, je pense, au château de Pierrefonds, qui a été très bien étudié une fois de plus par Arnaud Timbert. Très bel exemple de chantier qui est complètement ouvert à la population, dans ce sens où Viollet-le-Duc a eu un souci très précis, très aigu de la vie sociale du chantier. Ça, c'est un fait remarquable qui est très peu connu, mais qui permet de comprendre l'optique dans laquelle travaille Viollet-le-Duc. Pour ce qui est du retour en arrière, en quelque sorte, c'est-à-dire de la réintroduction de ces oculus dans les élévations du transept, c'est vrai que ces oculus servaient tout simplement d'aération au comble des bas-côtés. Ils ont été détruits au début du XIIIe pour allonger les grandes fenêtres hautes, pour les doubler de hauteur. Mais en même temps, le fait de rétablir, Viollet-le-Duc s'est trompé, il s'agissait d'oculus à 4 branches et non pas à 5 branches comme il a restitué, mais peu importe. Ces oculus sont intéressants parce qu'ils ont une visée pédagogique, et tellement pédagogique que pour enseigner l'architecture gothique du XIIIe, j'utilise toujours les dessins de Viollet-le-Duc. Et les visiteurs peuvent sur place voir ce qui s'est passé. On a changé la hauteur des fenêtres pour qu'il y ait plus de lumière. Et cela permet de faire comprendre aux visiteurs, aux étudiants, mais tout simplement aux visiteurs, au grand public, parce que le grand public est sensible à ce qu'il a sous les yeux, cela permet de faire comprendre que la lumière, au XIIIe siècle, devient un élément absolument essentiel de l'ambiance architecturale. C'est un élément qui fait vivre l'architecture, c'est un élément qui est intimement lié à la fois à la liturgie et à la fois à la spiritualité, on pourrait en poser longtemps sur le sujet, et c'est un élément, pour finir sur ce point, c'est très important lorsqu'on peut restituer sur le temps long, comme dit mon collègue, l'histoire de la lumière naturelle dans un édifice, cela permet de restituer aussi l'histoire de la ville, donc des rapports entre la ville et l'édifice. En effet, une cathédrale du XIIIe siècle dans une ville, une cathédrale qui domine complètement la ville. On a une très belle miniature de Notre-Dame de Paris au XVe qui montre cet état de fait. Mais lorsque les immeubles sont construits, les immeubles haussmanniens tout près de la cathédrale, qui occultent notamment tout le côté nord de la cathédrale, il y a un changement assez considérable d'éclairage à l'intérieur de l'édifice. Et ça, c'est l'histoire de la ville qui rentre dans l'édifice. C'est quelque chose, finalement, de très hugolien. Pour arriver dans la dernière partie de cette émission, finalement, aujourd'hui, Étienne Faisan, alors de quoi faut-il parler? Qu'est-ce qu'on doit attendre du futur de Notre-Dame? Est-ce qu'il faut parler de restauration à l'identique pour le public de l'extérieur ou à l'identique de l'intérieur? Est-ce que ça veut dire qu'il faut utiliser les mêmes matériaux? Il faut être extrêmement conservateur en matière architecturale? Ou est-ce qu'au contraire, il faut utiliser aujourd'hui ce que la science des matériaux, ce que la physique, ce que la chimie aussi nous permet d'utiliser pour faire une nouvelle hybridation de cette cathédrale Notre-Dame à l'occasion, évidemment, désastreuse de cet incendie? C'est une question très philosophique, finalement, que vous me posez là. Mais tout d'abord, effectivement, je crois que le terme de reconstruction est aujourd'hui bien trop fort. Nous avons perdu énormément, encore une fois, hier. Mais malgré tout, Notre-Dame est là. Notre-Dame existe. Et il n'est pas question, je crois, de reconstruire Notre-Dame, mais bien de restaurer, déjà de conserver ce qui est. Et éventuellement, effectivement, ensuite, de compléter ce qu'il manque désormais. Mais en tout cas, encore une fois, le terme de reconstruction me paraît beaucoup trop fort. En matière de restauration, pour ce qui est du choix à choisir, du choix à faire, je crois encore une fois qu'on l'a répété plusieurs fois, mais qu'il est sans doute trop tôt aujourd'hui finalement pour en parler, parce que il faudra savoir justement dans quel état est la cathédrale et ce qu'il nous reste pour savoir ce qu'elle peut, je dirais, supporter, ce qu'elle est possible, ce qu'elle au contraire ce dont elle a besoin pour continuer. Si les murs sont en bon état et sont capables à nouveau de recevoir la même charpente, ou si au contraire ils sont trop affaiblis et ne sont plus capables de la portée, tout cela évidemment conditionne bien sûr les choix qui devront être faits. Et je rappelle que beaucoup de cathédrales, c'est bien connu, mais on était victime d'incendies et on n'a pas forcément reconstruit à l'identique les charpentes dans les temps contemporains. Et on peut remonter bien sûr au XIXe siècle avec les grandes charpentes métalliques ou au XXe siècle avec les charpentes en béton. On a là des cathédrale de Reims, exactement, hein, bien sûr, incendiée durant la guerre, donc reconstruite avec une charpente en béton qui en soi est un chef-d'œuvre absolu. Et donc pour ce qui est de la charpente même, qui effectivement est une partie un peu à part, puisqu'elle n'est pas en co-visibilité, je dirais, avec le reste, que elle est protégée par sa couverture et que les lignes générales donc de l'édifice peuvent être recréés quel que soit le parti qui est choisi. Pour la charpente, là, on a, je dirais, un point très particulier où là, on a beaucoup de possibilités pour lesquelles, encore une fois, tout est ouvert et il faut attendre véritablement d'en savoir plus. Pour le reste, là, on rentre sur des débats beaucoup plus philosophiques et compliqués qui sont liés aussi, à, encore une fois, à ce qu'on va retrouver. La question de la flèche, évidemment, se pose. Qu'est-ce qu'on va retrouver de la flèche de Viollet-le-Duc ? Dans quel état sont les débris ? Tout cela, évidemment, est à venir. Pierre-Antoine Gatier, votre sentiment à ce propos, est-ce qu'il faut, pour éviter un prochain incendie, un nouvel incendie dans le futur, opter pour effectivement une charpente en béton armé ou en d'autres matériaux plus résistants, des polymères qui seraient issus de la recherche scientifique ? Quel est votre sentiment ? Non, autorisez-moi la prudence. Cette voie de la grande prudence et de la stabilité au feu sera bien sûr regarder, analyser. Le service des monuments historiques s'est saisi de cet enjeu tout au long de son histoire. Chartres, métal. Vous avez rappelé, et vous avez 100 fois raison, la cathédrale de Reims, ciment armé par Henri Deneux. Il est certain qu'il va falloir regarder cette problématique. Une cathédrale, c'est une présence dans la ville. Donc la silhouette, la géométrie doit être rétablie. On doit retrouver ce grand comble, cette grande flèche, symbole de la cathédrale. On doit sans doute retrouver ce matériau de couverture, cette couverture en plomb, ce gris d'ailleurs qui est emblématique d'un grand paysage parisien, le gris de la couverture en plomb. Et la charpente, oui, il va y avoir ce moment d'expérimentation incroyable, métal, quel alliage, quelle structure, oui. Nicolas Reveron, votre sentiment à ce propos ? Mon sentiment, c'est assez simple, nous sommes au XXIe siècle et j'estime que notre siècle doit marquer aussi les édifices anciens, avec un souci très conservateur de retrouver le visage de l'édifice tel que nous l'avons connu, c'est-à-dire le visage médiéval avec les adjonctions ultérieures et les restaurations tardives, mais c'est aussi l'occasion d'utiliser, lorsque la charpente a disparu, c'était une charpente 19e, de créer quelque chose de neuf. Faut pas hésiter à créer. C'est une charpente qui pourra être éventuellement visitée. On parlait de la cathédrale de Reims, ça c'est très juste. On pourrait parler de la cathédrale de Chartres avec cette charpente en métal qui est absolument fascinante, hein, qui est un très très bel édifice. On pourrait prendre encore d'autres exemples. Donc il ne faut pas se priver de ce que nous sommes capables de faire, à la fois transmettre ce qui existe, ce qui a existé, et à la fois transmettre aussi notre propre personnalité. Ça me paraît fondamental. Après, ça fera partie de l'histoire, hein, comme tout le reste de l'édifice. On peut mentionner également les travaux de restauration sur la cathédrale d'Amiens qui lui recourt à de l'impression 3D pour remplacer certaines sculptures qui étaient trop abîmées. Ça veut dire qu'on a tout de même aujourd'hui, Pierre-Antoine Gatier, à notre disposition tout un arsenal de dispositifs, de techniques, de matériaux qui permettent peut-être de rendre le bâtiment plus solide, plus stable, plus sûr pour l'avenir. Alors votre observation est très juste, c'est-à-dire que notre débat c'est retrouver un grand comble au XXIe siècle. Alors, tout d'abord, je pense qu'il n'y a pas, selon moi, de solution obligée. Il n'y a pas de bonne solution, celle qui serait du nouveau matériau, et de mauvaise solution qui serait celle d'une charpente restituée du XIIIe siècle. Restons ouverts aujourd'hui. En revanche, ce que la science nous donne, en fait, ce sont tous ces outils, toutes ces méthodologies d'analyse, de conception, de dessin 3D, de débit, de charpente 3D. Voilà, donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la matérialité dans laquelle nous nous engagerons collectivement, portée par le service des monuments historiques, la modernité des nouveaux modes de conception, des nouveaux modes de chantier sera là. une large partie de la cathédrale, dont la charpente avait d'ailleurs été numérisée en 3D par l'entreprise Europe Échafaudage avant le début des travaux de restauration. On sait, on a vu passer certains articles ou sur les réseaux sociaux qu'un célèbre, une célèbre franchise de jeux vidéo historiques avait aussi modélisé vraiment très finement cette cathédrale Notre-Dame, Assassin's Creed. Est-ce que ce sont des outils qui vont être aujourd'hui des outils précieux ou est-ce que ce sont des outils qui sont un peu cosmétiques ou pas totalement nécessaires aux travaux à venir, selon vous, Pierre-Antoine Gatier? Alors pour moi, ce sont des outils très très précieux. Au contraire, il faut agréger en fait tous ces savoirs, tous ces éléments de connaissances, et c'est la confrontation entre, je dirais, le relevé de charpente établi au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, les relevés qui ont été établis par les architectes des monuments historiques ces dernières années, ces modélisations les plus nouvelles qui vont nous donner la connaissance de cet ouvrage. Étienne Faisan, c'est oui. La restauration au XXIe siècle, c'est une restauration où le jeu vidéo vient en aide au patrimoine historique. Effectivement, je voudrais aussi rappeler ce qui peut paraître une évidence, mais qu'il faut dire, je crois, c'est que non seulement on parle de restauration, mais il faut aussi parler maintenant de documentation. Tant que l'objet est là encore, ces relevés sont finalement pas superflus, mais sont des compléments. Désormais, ce sont, je dirais, ce que nous conservons et c'est ce que l'on transmettra pour le futur sur ce qui a été fait, sur l'histoire de la cathédrale. Et c'est cela que, simplement, on pourra voir désormais pour documenter l'histoire de Notre-Dame. Pierre-Antoine Gatier. Peut-être que la modernité va créer, en fait, la pluridisciplinarité. Je pense que complexité de la cathédrale, complexité de la structure médiévale, profondeur des enjeux auxquels nous sommes confrontés, ce n'est que par le rassemblement des compétences, des métiers, des visions que l'on saura en fait construire cette nouvelle très belle charpente. Nicolas Reveyron, pour conclure sur ces différentes modalités de modélisation, d'assistance, de complémentarité par rapport effectivement à tous les relevés architecturaux classiques dont nous disposons aujourd'hui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. C'est l'occasion que tout le monde travaille sur la cathédrale. Vous avez des acteurs de l'industrie qui sont à même d'apporter beaucoup à cette restauration et il faut travailler ensemble. C'est une chance absolument extraordinaire de pouvoir se réunir au chevet d'une cathédrale malade. Mais tout ceci appartiendra à une dimension de la cathédrale dont on a très peu parlé, même si elle est toujours en arrière-fond de nos propos, c'est la dimension historique. Je veux dire par là, la geste de la cathédrale, tout ce que l'on raconte sur ce que l'on fait, le nombre de, comment dire, d'outils qui sont utilisés, d'outils spécifiques qui ne se voient plus, puisque une fois le travail fini, tout est rangé, tout a disparu, fait partie de ce qu'on peut raconter sur une cathédrale. Et finalement, toutes les chroniques médiévales ne font pas autre chose que pérenniser ce qui a pu se passer, non seulement les donneurs d'ordre, non seulement les financiers, mais aussi toutes les recettes qu'on a pu utiliser, ou bien tous les savoir-faire qui ont été mis en œuvre. Donc, notre 21e siècle va ajouter une très belle page à l'histoire de la cathédrale de Paris, une très belle page qui sera transcrite d'une manière ou d'une autre, avec peut-être des films, des émissions comme la vôtre, avec des écrits, des textes, etc. Il y a là une très belle ouverture pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la cathédrale et tourner autour de cette Et presque un millénaire d'histoire et de, eh bien, d'histoire des sciences médiévales jusqu'aux modélisations en 3D contemporaines pour reconstruire cette cathédrale, pour la restaurer. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous parler aujourd'hui comme ça à courte échéance de cette cathédrale et de son futur scientifique. Merci Nicolas Reveyron, merci Pierre-Antoine Gatier, merci beaucoup également à Étienne Faisan, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui a travaillé d'arrache-pied pour monter cette émission In Extremis. Merci à Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Énor Pérez, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard, Jacques Azubert, à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique. Demain, tout autre chose, alors que l'Europe va interdire début 2021 la production et l'usage de plastique à usage unique et que les images d'oiseaux ou de mammifères marins échoués, étouffés ou intoxiqués par l'ingestion de matières plastiques deviennent quotidiennes, nous nous demanderons s'il est envisageable ou non de limiter notre consommation de plastique. Et puis jeudi, n'oubliez pas que nous recevrons Alain Damasio pour son nouveau roman 15 ans après la Horde du contrevent pour les furtifs. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.